Moi, je suis l'Algérie et l'Algérie est triste. Je suis triste de voir l'Algérie triste dans mes yeux. Les gens sont tristes. Le temps passe, le temps triste. L'Algérie, de temps en temps, dans nos yeux coupés en deux. Cette tristesse d'un temps où l'Algérie fut moins. Les hommes collés au mur, les femmes collées aux hommes, aux yeux tristes qui passent le temps au mur de temps en temps, couper leur Algérie en deux. Et mes yeux à moi sont femmes et les hommes me regardent. Alors je fuis en deux, collé au mur, près d'une tristesse qui pousse mon temps à couper un cœur en deux, à quitter l'Algérie. Quitter l'Algérie, même si je la connais pas. Jamais plus voir les tristes hommes là d'un temps où les femmes les portaient dans leur regard. Un espoir détruit dans un mur où la colle sert de drogue à mon cœur à deux origines et j'ai peur. J'ai peur des murs, j'ai peur de la tristesse. J'ai peur des mots des hommes et de ce que peuvent pas dire les femmes. J'ai peur de mes yeux, j'ai peur de devoir les couper en deux, en trois, de les coller au temps, un temps que je connais pas, que je connais plus, que j'ai jamais connu et que je connaîtrai jamais. Algérie, je sais plus si j'ai peur de ne jamais t'aimer, que toi tu ne m'adoptes jamais.